بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Allah a entendu les dires de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux et dont les plaintes s'adressaient à Allah. Allah entendait votre entretien, lui qui entend et voit tout. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes, en affirmant qu'elles leur sont désormais aussi défendues que leurs mères, cependant qu'elles ne sont nullement leurs mères. Leurs mères étant celles qui les ont enfantées, ne profèrent en vérité que des paroles condamnables et fausses. Mais Allah est indulgent et absoluteur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Ceux qui répudient leurs femmes, en prononçant cette formule qui les assimile au dos de leur mère, puis reviennent sur leurs paroles, doivent affranchir un esclave avant d'avoir le moindre rapport intime avec leur femme. C'est à cela que vous êtes exhortés. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Quiconque n'en trouve pas les moyens jeûnera 2 mois consécutifs avant d'avoir le moindre rapport intime avec sa femme. S'il ne le peut, il devra alors nourrir 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Telles sont les limites, hudud, d'Allah, et aux mécréants, il est réservé un supplice très douloureux. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ceux qui défient Allah et son messager seront défaits et humiliés comme le furent autrefois leurs prédécesseurs. Nous avons révélé des signes explicites et les mécréants auront un supplice avilissant. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Le jour où Allah les ressuscitera tous et les informera de ce qu'ils auront fait, Allah aura recensé leurs œuvres et eux les auront oubliées. Allah est témoin de toutes choses. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre? Mais il n'est point de confidence entre trois personnes sans qu'il n'en soit le quatrième, ni entre cinq sans qu'il n'en soit le sixième. Qu'il s'agisse de moins d'individus ou de plus, il sera toujours avec eux où qu'ils soient. Puis au jour de la résurrection, il les informera de ce qu'ils auront fait. Allah sait parfaitement toutes choses. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. N'as-tu pas vu ceux à qui les entretiens secrets ont été défendus? Ils reviennent malgré tout à ce qui leur a été défendu et conspirent pour commettre des péchés et se livrer aux transgressions, ainsi qu'à la rébellion contre le messager. Quand ils viennent te trouver, ils utilisent une salutation dont Allah ne t'a pas salué et disent dans le secret du cœur « Mais pourquoi Allah ne sévit-il donc pas contre nous qui avons usé de ce langage ?» Que la géhenne leur suffise, où ils brûleront, et quel affreux devenir. Ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati ar-rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Oh, vous qui avez cru, évitez dans vos entretiens secrets d'échanger des confidences pour commettre des péchés et vous livrer aux transgressions. Entretien qui vous inciterait à désobéir aux messagers. Que vos entretiens secrets incitent à la vertu et à la piété. Craignez Allah vers qui vous serez ramenés en foule. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Les entretiens secrets ne relève que de Satan, qui les suggère pour affliger ceux qui ont cru. Mais il ne leur nuira en rien sans la permission d'Allah. C'est donc à Allah que doivent s'en remettre les croyants. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Oh, vous qui avez cru, quand il vous est dit, faites de la place aux autres dans les assemblées. Faites-le, car Allah élargira devant vous les espaces au paradis. Mais quand il vous est dit, levez-vous. Levez-vous donc, car Allah élèvera en rang ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront reçu la science. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Oh, vous qui avez cru, quand vous avez une confidence à faire au messager, faites-la précéder d'une charité. Cela est bien meilleur pour vous et bien plus pur. Mais si vous n'avez pas les moyens, sachez qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Craindriez-vous donc de faire précéder votre confidence d'aumône? Si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah ait accepté votre repentir, accomplissez alors la salate, acquittez-vous de la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. N'as-tu pas remarqué ceux qui ont pris pour alliés des gens qui ont provoqué contre eux la colère d'Allah? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs. Ils jurent par de faux serments, et ils le savent bien. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Allah leur a préparé un terrible supplice, leurs actions étant odieuses. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Ils ont pris leur serment comme un bouclier protecteur et ont repoussé les autres loin du chemin d'Allah. Ils auront alors un supplice humiliant. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Leurs biens ne leur seront en rien utiles contre Allah, pas plus que leur progéniture. Ceux-là seront les hôtes du feu, où ils demeureront pour l'éternité. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Le jour où Allah les ressuscitera tous ensemble, ils lui jureront comme ils auront juré devant vous. Et ils penseront avoir des arguments. Non, ce sont eux les menteurs. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Satan les a asservis et leur a fait oublier l'évocation d'Allah. Ceux-là forment le parti de Satan et les partisans de Satan sont eux les perdants. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. Ceux qui défient Allah et son messager, ceux-là sont dans la pire ignominie. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Allah a décrété, je vaincrai toujours, moi et mes messagers. Allah est fort et tout puissant. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن Tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier, et qui en même temps sont en affinité avec ceux qui défient Allah et son messager. Dût-il s'agir de leur père, de leur fils, de leur frère ou des membres de leur tribu. Ceux-là, Allah a inscrit la foi dans leur cœur, les a appuyés d'un souffle émanant de lui, et les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront éternellement. Allah est satisfait d'eux, mais ils sont satisfaits de lui. Ceux-là forment le parti d'Allah. En vérité, ce sont les partisans d'Allah qui réussiront.